Nouvelle scène nationale, l'émission. Génération 3. Génération 3, eh bien commençons avec nos deux premiers invités, Lamia Wederni et Ludovic Franchinard, pour nous parler d'abord d'une collaboration, voire plus, d'un partenariat avec la Nouvelle Scène Nationale de Cergy Pontoise, un voisinage qui va se traduire sous la forme d'un partenariat culturel à l'occasion de Génération 3 qui se déroulera, je vous le rappelle, et qui se déroule cette semaine du 7 au 11 mai à Cergy Pontoise avec un ensemble de propositions, de spectacles autour de la culture hip-hop, des cultures urbaines, de la poésie, du slam et bien d'autres choses encore. En ce qui concerne votre association Essai Kebab, qu'allez-vous proposer dans le cadre de cet événement avec la Nouvelle Scène Nationale? C'est peut-être, on va poser la question d'abord à Lamia Wederni. Très bien. Eh bien, en fait, on travaille sur le temps Génération 3, donc avec la Nouvelle Scène Nationale, en particulier donc ce vendredi 10 mai, pour un afterwork avec l'association Arrosons, qui est d'ailleurs un de nos partenaires sur d'autres événements qu'on organise. Et donc du coup, ce sera un petit moment convivial qui commence à 18h jusqu'à 20h, 20h30, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est juste avant un spectacle qui aura lieu à la Nouvelle Scène Nationale, au Théâtre 95. Et voilà, c'est l'occasion de partager un petit moment sympa avec une autre association et aussi avec toutes les personnes qui souhaitent venir à cette petite buvette, petit afterwork. Et puis après au spectacle, bien sûr. Alors, apéro convivial, comme quoi il faut aussi restituer les mots qui vont parler à tous, avec aussi à l'occasion de la fin de la fresque murale participative qui a été organisée par la Nouvelle Scène Nationale en partenariat avec Art aux Onces. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir cette fresque qui sera terminée le jour de ce d'ici la fin de semaine, c'est bien ça? Alors, on l'a vu évoluer de temps génération en temps génération. Après, on n'y a pas participé particulièrement, je pense pas. Mais du coup, là, ce sera l'occasion peut-être pour nous de participer et de prendre un peu les bombes de peinture et mettre notre petite touche aussi sur cette fresque. Alors, Essai Kebab, faisons connaissance avec votre association qui est née, je crois, en 2011, il y a déjà quelques années. Quels sont un peu les objectifs, les buts annoncés à la création de cette même association? Alors, donc c'est une association étudiante de l'ESSEC, donc les membres sont tous des étudiants de l'ESSEC. En fait, elle a été créée donc en 2011. L'idée était assez simple, c'était de faire une sorte de guide de toutes les bonnes adresses de Cergy à destination des étudiants pour justement les faire sortir un peu de leur campus et leur dire il y a plein de choses à faire à Cergy. Les bons plans, quoi. Voilà, les bons plans, exactement. Et en fait, l'association a beaucoup évolué puisqu'elle est devenue aussi une association de promotion de la culture urbaine, en particulier de la culture hip-hop. Donc au sein du campus, on organise différents événements qui permettent en fait de mettre en avant un peu la culture hip-hop qui est assez peu représentée à l'ESSEC, et donc de faire découvrir que ce soit le graphe, des sons rap, enfin voilà, un peu apporter cette culture. Et puis depuis l'année dernière, on organise le Cergy Street Festival, et là c'est vraiment un moment qu'on veut ouvert à tous, que ce soit les habitants de Cergy, les artistes, les étudiants, et montrer qu'il y a plein de choses, enfin qu'il y a plein d'associations culturelles qui ont un dynamisme assez fort quand même à Cergy. Au sein de l'ESSEC, les cultures urbaines, au-delà de la culture hip-hop, n'étaient pas forcément bien vues, c'est ce que vous dites. En tout cas, les pratiques peu partagées au sein de l'ESSEC. Alors, je dirais pas forcément mal vu, parce que faut savoir quand même l'ESSEC est assez, enfin c'est une école assez ouverte. D'ailleurs, on a même dans nos programmes des fois des conférences de street artistes où il y a des fresques de street art, dans le campus. Après, voilà, ça restait quand même assez minoritaire comparé à d'autres cultures. Donc on se disait que on avait totalement notre place, en fait, on pouvait vraiment développer quelque chose, et ça a jamais été rejeté par l'administration ou quoi, c'est juste qu'il y a un travail à faire, on partait un peu de zéro, donc du coup... Il n'y avait pas de préjugés particuliers? Non, après, des préjugés un peu comme partout, quand on parle de rap, on imagine quelque chose peut-être d'un peu plus violent que de l'électro, mais... L'électro avait plutôt bonne place au sein de l'ESSEC, c'est ça, jusqu'alors? Un peu plus, c'est ce qui me semblait. Après, moi, je suis à l'ESSEC que depuis 2 ans maintenant, donc je veux pas m'avancer sur ce qui se passait il y a 5-6 ans. Elle est quand même très mise en avant par le biais de la nuit de l'ESSEC, comparé à notre festival qui est extrêmement jeune. Et pour revenir sur ce que disait Lamia, je pense qu'il n'y a pas de préjugés ou de discrimination particulière par rapport à cette culture à l'ESSEC. Mais c'est vrai que le processus de démocratisation, on va dire, du rap de manière générale, est allé beaucoup moins vite à l'ESSEC que dans la société de manière générale. Bon, donc une bonne nouvelle, ça s'ouvre avec déjà cette deuxième édition qui est organisée à Cergy avec cet événement Cergy Street Festival, occasion effectivement de mettre un peu plus en avant la culture hip-hop, c'est bien cela l'intention de ce festival. Et dans toutes ces déclinaisons, parce que derrière l'intitulé culture hip-hop, on découvre qu'il y a une diversité de démarches et de propositions, probablement la mienne. Tout à fait. On essaie déjà de montrer toute la diversité des différents sports et arts urbains, et même à travers les formats des ateliers, on essaie de montrer qu'il y a plusieurs façons de les vivre, que ce soit sous forme de démonstration, voilà, du live painting niveau street art, ou bien, on peut très bien faire des battles de street art. Donc il y a vraiment différents formats qui apporte différentes choses aux participants. Donc l'idée, c'est d'édition en édition, d'apporter un peu plus et à chaque fois du nouveau. Ludovic, comment ça se prépare à un événement comme celui-ci? Parce que vous êtes tous étudiants, j'ai bien compris. C'est forcément sur les temps libres. Ouais. Et quand on est étudiant, on n'a pas toujours beaucoup de temps. Hein. Exactement. À ce titre-là, je pense que c'est une expérience très formatrice. Ça peut presque être considéré comme un stage, dans le sens où on apprend à déléguer, on apprend à se répartir les tâches. On apprend à gérer plusieurs tâches en même temps, plusieurs dossiers en même temps. Donc en l'occurrence, pour cette année, on va dire que globalement, la répartition s'est faite de la manière suivante, à savoir que Lamia s'est plutôt occupée de toute la journée atelier du samedi, et moi, je me suis plutôt occupé du concert qui aura lieu vendredi soir. Je vois dans les intentions de ce festival, c'est d'être aussi une célébration de la mixité, et pas simplement des disciplines urbaines. C'est un sujet qui est très présent dans notre société aujourd'hui, sur les questions d'égalité femmes-hommes, y compris dans les pratiques culturelles et dans les représentations culturelles, j'imagine, Lamia. Tout à fait, il y a énormément de problématiques qui sont liées à la culture hip-hop. Et justement, nous, à travers cette culture, on voit différentes valeurs qui sont le partage et l'ouverture. Et on se disait que justement, ça pouvait vraiment être un vecteur fédérateur entre toutes les personnes qui souvent ont des préjugés les unes sur les autres. Voilà, on sait très bien que nous, en tant qu'étudiants, on reste un peu fermés dans notre campus, qu'on reste... c'est la gare, la coloc et le campus. Et que souvent, il y a aussi des préjugés un peu sur des populations que certains étudiants n'ont pas l'habitude peut-être de connaître. Et on trouvait ça dommage. On se disait que les cultures hip-hop, justement, l'idée, c'était que c'était ouvert à tous et que peu importe d'où on vient et ce qu'on veut faire. Et voilà. Et puis après, comme vous l'avez dit, il y a toutes les problématiques d'égalité homme-femme. Donc c'est... tout à fait quelque chose qui va être évoqué pendant la conférence du 23 mai, qui est organisée par nous, la Ruche, Combo 95, avec la mairie également. Et donc, c'est vraiment une occasion aussi d'apporter une petite dimension réflexion à cet événement et de faire réfléchir sur une problématique quand même assez importante dans notre société et en particulier dans tout ce qui est culture urbaine. En effet, la conférence rap, y a-t-il une place pour les femmes? Eh bien, la question sera posée et il y aura un certain nombre de propositions, voire de réponses qui seront amenées, y compris par des jeunes rappeuses qui participeront donc à cette rencontre du 23 mai à 19h à l'ESSEC. Rapidement, le programme que vous nous avez concocté, Ludovic et la Mia, à deux voix, vous allez nous le dire, ce programme. Ça se déroule du mardi 21 mai jusqu'au samedi 25 mai. Alors, dites de mémoire un peu les temps forts. Le 21 mai, c'est le vernissage de l'exposition. Donc, on a choisi comme thème les cultures urbaines à Cergy, toute une histoire, parce qu'on trouvait que ça tombait bien en cette année des 50 ans de Cergy. Et voilà, c'était une belle suite à l'exposition qui est déjà au carreau en ce moment. Cette exposition, il y a un peu deux parties. Il y a une partie où il y a des offres qui sont faites par des jeunes des maisons de quartier. Donc, on a organisé des ateliers avec l'association Expression Urbaine, avec les jeunes des maisons de quartier. L'idée, c'était de leur faire faire des œuvres, qu'ils puissent exposer, qu'ils prennent un peu la place d'artiste et un peu de faire émerger peut-être des jeunes talents. Et puis, à côté, on essaie de rassembler différentes archives qui vont revenir sur la naissance, l'évolution des différentes disciplines urbaines, comme la danse hip-hop, avec les premiers crews qui sont nés à Cergy, ou bien les premiers graphes qui étaient encore illégaux dans le RER. Donc ce type de choses. Très bien, on a parlé de la conférence du 23 mai, on ne va pas se revenir dessus. Le concert de 13 blocs, c'est un groupe célébré. Oui. Que dire de ce groupe, Ludovic? C'est un groupe qui nous vient du 93, de Sevran plus précisément, et qui a acquis une très grande notoriété récemment. Ils viennent de sortir un album le 26 avril qui marche très bien. Mais après, la question qu'on s'est posée, puisque la volonté du festival, c'est de mettre en avant les cultures urbaines dans le 95, ça nous paraissait important quand même de mettre en avant certains artistes du 95. Et par conséquent, en première partie, on a organisé un concours en ligne, dont les candidatures ont été fermées la semaine dernière et dont on sélectionnera les vainqueurs cette semaine, et qui sont des artistes émergents du 95 qui auront l'honneur non seulement de faire la première partie du groupe, mais en plus de gagner certains lots, à savoir des heures de studio d'enregistrement au studio du Chat Perché et un abonnement d'un an au service d'une nouvelle plateforme qui propose des solutions innovantes de mastering et de distribution digitale. Ben voilà, de bonnes initiatives. L'occasion, c'est bien de proposer un véritable tremplin. C'est, qui dit tremplin, ben c'est l'occasion de se faire voir et entendre, et que ça soit effectivement l'occasion, c'est bien de passer à d'autres étapes. Ensuite, ça va se dérouler le 24 mai, vendredi 24 mai à 20h30, à la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise, plus précisément au Théâtre 95, c'est Cergy-Préfecture. Enfin, la journée du samedi, la journée street, être riche, intense. Elle aura lieu au complexe sport urbain à l'Axe Majeur. Et là, on imagine qu'il va y avoir peut-être des sports de glisse, non ? Tout à fait. Tout à fait. Surtout qu'il y a le skatepark de Cergy-Saint-Christophe. Mm-hmm. Donc, on travaille, en fait, cette journée est vraiment faite en collaboration avec beaucoup d'associations de Cergy. Donc voilà, on a déjà cité Arroson, La Ruche, Cergy City Ride, alors il y en a encore plein d'autres. On a par exemple aussi Nunanji qui nous aide à organiser des battles. Donc voilà, on aura différents ateliers qui seront placés sur tout le complexe urbain avec battle de danse. Alors initiation au parcours avec H2 Squad et aussi une démonstration, un contest de sport de glisse. À côté, on aura des battles de graph, donc avec Arroson et XPU, une petite buvette pour quand même se restaurer et pouvoir se reposer un peu. Et des ateliers d'écriture, de DJing avec La Ruche, un atelier de body painting. Donc c'est vraiment, on essaie de créer des synergies entre toutes les disciplines. Elles ont lieu plus ou moins en même temps durant la journée. Et ça permet aux participants, en fait, de pouvoir soit regarder, soit participer vraiment en apprenant. Donc c'est un peu adapté à tous les profils, les papas-mamans, les enfants, les plus jeunes comme les plus vieux. Donc l'idée, c'est qu'il y ait vraiment aussi cette mixité intergénérationnelle ce jour-là. Merci Lamia, merci Ludovic. On rappelle, ce Cergy Street Festival pour cette deuxième édition aura lieu du mardi 21 mai au samedi 25 mai, organisé par l'association Essai Kebab en partenariat avec la ville de Cergy. Si on veut en savoir davantage, il y a un site internet où on peut retrouver le programme peut-être? Alors, pas tout à fait un site internet, mais on aime bien les réseaux sociaux. Du coup, il y a la page Facebook du Cergy Street Festival où on poste toutes les actualités pour aussi avoir plus d'infos sur comment ça va se passer cette semaine. Et puis, il y a le compte Instagram où il y a aussi quelques actualités qui sont mises tous les jours. Essai Kebab, retenez ce nom, et aussi l'occasion de participer, si vous l'avez entendu, au Cergy Street Festival pour sa deuxième édition du 21 au 25 mai prochain. Merci à vous deux. Merci. Merci. Nouvelle Scène Nationale, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Bonjour, Jade Herbulot. Vous êtes donc co-auteur et metteur en scène avec à vos côtés Clara Edouin, d'un spectacle qui a pour titre Les Trois Mousquetaires. Alors c'est une véritable épopée, revue et corrigée. Je crois que vous nous proposez un vrai coup de jeune pour cette célèbre œuvre que l'on doit à Alexandre Dumas. Oui, tout à fait. C'est un livre que, pour ma part, je n'avais pas lu, et c'est Clara qui l'avait lu, elle, quand elle était plus jeune, parce que c'est un livre qui est souvent associé aujourd'hui à la littérature de jeunesse ou à l'adolescence, et qui en tout cas est une œuvre folklorique, enfin qui participe du folklore français. Et c'est vrai que nous, au départ, ce qu'on voulait, c'était réunir un certain nombre d'acteurs qu'on avait rencontrés dans notre école, au studio d'Anières, et de pouvoir déployer avec eux un travail au long cours. Et donc le format de la série est venu avant de choisir l'œuvre que nous voulions adapter, et Les Trois Mousquetaires, a été comme une évidence pour être le terrain de jeu propice pour nous amuser, nous, dans la ville, puisque très vite aussi, on a affirmé une esthétique du dehors, ce qu'on appelle, nous, un théâtre contextuel, un théâtre dans la rue, puisqu'on n'est pas une

Prochainement à l'affiche, il sera question du Festival des écritures créatives qui aura lieu très précisément le vendredi 17 mai de 12h à 17h à l'Université de Cergy-Pontoise, mais également au Théâtre 95. Alors, c'est en partenariat effectivement entre ces deux institutions. Festival des écritures créatives qui tiendra sa troisième édition ce jour-là, après une session 2018 qui s'est déroulée à la Maison de la Poésie à Paris, puis une session en 2017 qui elle-même s'était déroulée à la bibliothèque universitaire de l'université de Cergy-Pontoise. J'ai quelques souvenirs. La radio d'ailleurs RGB était partenaire de cette première édition. Alors, avec ce festival des écritures créatives, c'est Angadrem Grandjia qui est en charge des relations publiques à la Nouvelle Scène Nationale qui va nous en parler. De quoi s'agit-il en dehors de l'historique que je viens de refaire et de resituer entre Cergy et Paris? Là encore. Alors, ce festival, c'est aussi mettre en valeur le partenariat que nous avons avec le master, enfin toute la formation en fait de création littéraire à l'université de Cergy-Pontoise. Il est vraiment important de rappeler que en France, l'UCP, l'université de Cergy-Pontoise, est presque la seule université à proposer une formation complète de formation continue, donc du DU jusqu'au master. Donc on a vraiment de nombreux étudiants à l'université de Cergy-Pontoise qui prennent des cours autour de la création littéraire. Donc pour nous, c'était très intéressant de construire ce partenariat qui, avec le master de création littéraire, mais qui est aussi l'occasion de travailler avec le service culturel de l'université de Cergy-Pontoise et l'ENSAPC, donc l'École nationale des arts Paris-Cergy, qui est aussi un partenaire important de cette journée du 17 mai. Occasion au cours de cette journée, eh bien, de faire part un petit peu, de transmettre la dynamique qui existe autour des ateliers d'écriture et des actions qui sont menées tout au cours de l'année autour de cette pratique de l'écriture littéraire, c'est bien ça? C'est bien ça, exactement. Donc pour commencer, si je parle un peu du déroulé de la journée du 17 mai, on débutera dans le hall des chaînes 2 à l'université de Cergy-Pontoise par des ateliers proposés notamment par une association étudiante qui s'appelle Distillettre. Ce sont des étudiants de M2 qui ont créé cette association. Et donc ils vont proposer d'abord un atelier d'écriture. Je ne dis pas plus parce que je pense qu'il y aura beaucoup de surprises et c'est important de s'y rendre et puis de se laisser un peu porter parce qu'on peut très bien se dire bon, l'écriture, je suis pas très familier avec ça, mais vraiment tout va être pris en charge par ces étudiants et il y a de très belles surprises à venir. Et donc on commencera à midi et tout au long de l'après-midi il y aura donc des ateliers qui se dérouleront sur le site des chaînes de l'université, mais aussi une déambulation qui partira à 14h des chaînes pour se terminer à 17h au Théâtre 95. Mmh. Donc 3 heures de déambulation avec une danseuse qui s'appelle Andrea Sitter et en partenariat avec Mathieu Simonet. Mathieu Simonet qui est écrivain et avocat et qui est en résidence à l'université grâce à la région Île-de-France. Alors, festival qui va associer à la restitution, comme on le disait tout à l'heure, du travail qui est mené durant toutes ces formations, et elles sont nombreuses en effet, à l'université de Cergy-Pontoise, autour de la pratique de l'écriture à tous les niveaux, métier de l'écriture et jusqu'à la création littéraire, comme il a été dit. Mais tout cela s'est mené généralement pas simplement en cours, mais aussi dans le cadre associatif. Tout à fait. Et via Distillettre, on voit bien le lien qui est fait entre les étudiants qui terminent leur Master 2 et qui vont vers une voie professionnelle et qui, grâce à leur association, peuvent rapidement accéder à cette professionnalisation via l'association. Donc voilà, on va avoir notamment ces Distillettres, mais aussi on sera ravis d'accueillir sur le plateau de la salle Visconti au Théâtre 95 les restitutions du travail qui aura été mené avec divers professeurs. Et vraiment de 5h30 à 21h, on aura cette succession des restitutions d'ateliers avec presque un atelier toutes les demi-heures. Donc là aussi, ce sera des vraies surprises, des lectures chorales, des lectures participatives. Voilà, il faut venir et se laisser tenter, se laisser porter par tous ces textes qui vont être dits. ce jour-là. Il a été question d'un partenariat donc qui se nourrit, qui se développe entre d'un côté l'université de Cergy-Pontoise, on a bien vu effectivement sur l'ensemble des formations à la pratique de l'écriture à tous les niveaux, mais également avec l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Ils trouvent leur place comment dans cette journée du 17 mai? Alors il y a déjà un lien fort qui existe entre l'ENSAPC et l'UCP, avec pour les citer François Bon et Marin Fouquet qui travaillent ensemble toute l'année avec les mêmes étudiants. Donc c'est les premières années de licence. Donc nous allons accueillir cet atelier aussi au plateau du Théâtre 95 le 17 mai. Et puis c'est vrai que nous, par ailleurs, on travaille beaucoup avec l'ENSAPC et l'UCP, donc il était vraiment important que cette restitution ait aussi lieu dans nos locaux. Au niveau des horaires, j'ai indiqué de 17h30 à 22h au Théâtre 95, avec un démarrage, comme j'ai bien entendu, du côté du site des chaînes de l'Université de Cergy-Pontoise. Le vendredi 17 mai, on confirme les horaires ? Oui, c'est bien ça. Alors, on débutera à midi dans le hall des chaînes 2 à l'Université de Cergy-Pontoise. D'accord. Jusqu'à 14h. À 14h, il y aura deux solutions. Soit vous restez dans le hall des chaînes avec donc plusieurs surprises, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, de 14h à 17h, on vous invitera à suivre donc Mathieu Simonet et puis la danseuse Andrea Sitter pour la déambulation donc des chaînes pour arriver au Théâtre 95 vers 17h. Et puis là, nous aurons un moment chorégraphique avant de débuter vraiment les restitutions vers 17h30. Et la soirée se poursuivra comme ça jusqu'à 21h, 21h30. Eh bien, on y voit bien plus clair. Il suffit juste de noter sur son agenda pour tous les amateurs et ceux qui veulent découvrir les métiers de l'écriture, la création littéraire et effectivement toutes ces réalisations personnelles qui seront mises en valeur à cette occasion, de retenir la date, la bonne date, le vendredi 17 mai de 12h à 17h à l'Université de Cergy-Pontoise, puis de 17h30 à 22h au Théâtre 95, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise. Merci, Ongadrem. Merci. Avec peut-être, avant de nous quitter, indiquer d'ores et déjà une autre date à retenir sur son agenda. Si on est amateur de culture et d'art et de spectacle à Cergy-Pontoise, c'est l'annonce de la présentation de saison 2019-2020 qui aura lieu le vendredi 14 juin au Théâtre des Louvrais à Pontoise. 14 juin, Théâtre des Louvrais, Pontoise, la prochaine saison. L'occasion de découvrir la programmation avec la complicité de nombreux artistes qui seront donc présents au cours de la saison prochaine et découverte du nouveau nom de la scène nationale. Attention, ce mystère va être entretenu. Il n'y a pas un scoop pour RGB encore à l'heure qu'il est en Gadrem. Non, malheureusement. Pas de scoop. Bon, eh bien, il nous faudra patienter car cette émission va forcément changer de nom à court terme. Et oui. Hein, puisque nous nous appelons, comme chacun sait, Nouvelle Scène Nationale l'émission, eh bien, d'ores et déjà, on peut imaginer qu'au mois de septembre, il y aura un nouveau nom pour cette même émission. Merci à tous. Pour toute information et réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés, les actions, les rendez-vous à ne pas manquer. Pour connaître les tarifs, les abonnements, vous composez le 01 34 20 14 deux fois, 01 34 20 14 14 ou sur internet au www.nouvellescenenationale en un seul mot tout attaché, nouvellescenenationale.com. Remerciements à tous nos invités ainsi qu'à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également à Damien Gissa pour la réalisation technique. Émission qui sera rediffusée samedi 11 mai de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, mais également sur internet, et c'est partout dans le monde, je le précise à nos invités, il n'y a pas de limite, pas de frontières, c'est sur radio-rgb.net, puis disponible à volonté, nuit et jour, et cela pour une très longue période, en podcast à cette même adresse. Votre prochain rendez-vous avec la Nouvelle Scène Nationale, l'émission, ça sera pour le mercredi 12 juin prochain de 19 à 20h. d'ici là, au plaisir de vous retrouver à la nouvelle scène nationale. Là, c'est Génération 3 en ce moment jusqu'au 11 mai. C'est à Cergy-Pontoise avec un ensemble de spectacles, de poésie islam, de culture hip-hop et bien d'autres cultures urbaines. Et sinon, d'écouter, de vous retrouver sur l'antenne de votre radio locale RGB, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. À bientôt. Nouvelle scène nationale, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h, l'émission coproduite par la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise et votre radio locale RGB 99.2. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.